Bonjour à toutes et bonjour à tous. Il est l'heure de votre émission Discofunk comme chaque samedi, et bien sûr, comme chaque samedi, on va commencer par la découverte. Deodato et son titre Fire in the Sky, ça va vous dire quelque chose, c'est sûr. Enfin, pour les plus anciens d'entre nous, dont je fais bien évidemment partie, on l'a forcément déjà entendu. Alors, Emir Deodato, il est né en 1941 au Brésil. Ses enregistrements solo, ils appartiennent plutôt au domaine de la bossa nova, du jazz fusion, du jazz funk ou d'autres styles, quoi. Il est multitâche. Alors, il est aujourd'hui considéré comme un des pères du style jazz funk. C'est pas rien, quand même. Il a connu ses principaux succès solo dans les années 70 et en tant que musicien, il jouait surtout du clavier et il est producteur-arrangeur à ses heures perdues. Alors, il faut savoir qu'en 1964, en l'espace d'une année, Emir Deodato, il enregistre sous son nom et celui d'Os Catedratricos, la somme vertigineuse de 7 albums. Alors là, on va déjà écouter Fire in the Sky. We'll be right back. Les 100 hits, c'est ce qui nous attend maintenant. Instant Funk, alors I Got My Mind Make Up, paru en 1978. Alors, pour planter le décor, imaginez un club branché de New York en pleine période disco. Le DJ, il enflamme le dance floor en enchaînant Let Me Party With You, Free Man, Let's Groove et Shame. Alors, ce que vous savez pas, c'est que les... ce que vous savez pas, vous et les danseurs, imaginons que vous ayez transposé la chose, c'est que les grooves incendiaires de ces hits sont tous joués par le même groupe, Instant Funk. Alors, le groupe, il est originaire du New Jersey et il arrive à Philadelphie et sort son premier album, Get Down With The Philly Jump, sur le label TSOP. Mais pour des raisons diverses et variées, il tarde pas à partir vers la concurrence Salsoul Records. Alors, c'est sur ce dernier qu'ils sortent I Got My Mind Made Up, qui deviendra numéro 1 un peu partout. La première version, elle ne va durer que 3 minutes 20. C'est trop peu pour l'un des patrons de Salsoul qui souhaite en faire une version maxi. Alors, il faut se dire qu'à l'époque, tout se fait sur bande et à la main. Elle est retravaillée, et ben ça prend des plombes. Blanc, l'ingénieur du son en charge de ce travail de titan, est épuisé à la fin et jure de ne plus jamais, mais alors jamais, en refaire un à la main. Le résultat sera quand même concluant. Je vais vous laisser juger. Continue avec le classement des hits de novembre 1984. Alors, je vais pas être très original, mais le morceau a fait un carton, donc je me dois de vous le proposer, même si tous vous le connaissez. Il s'agit de Fresh, de nos amis de Cool and the Gang, qui trustaient la première plaque aussi, mais la première place surtout à l'époque. Le morceau, il est proposé à Cool and the Gang par James G.T. Taylor, peu avant que ce dernier n'intègre le groupe. Le single, publié sous le label Delight Records, est produit par Ronald Bell, le leader de Cool and the Gang, et Jim Bonnefond. Bah, bien sûr, il va atteindre la première place des classements R&B et Dance aux États-Unis. Bon, bah, inutile d'en dire plus. Ah, c'est toujours aussi bon, hein. Alors, pour ceux qui s'interrogent pourquoi est-ce que j'ai pas fait encore Cool and the Gang dans la saga du fin de mois, eh bien, il y a tellement de choses à dire que je suis en train d'y réfléchir et peut-être que je le ferai en deux parties. Voilà, bon, à méditer. Pour le maxi, on va s'attaquer à Firefly, car ça fait un bout de temps qu'ils n'ont pas eu l'honneur des ondes de Fatjet. Donc, on va... Comment ? On va rattraper tout ça. Alors, le titre choisi. Eh bien, j'ai pris You Can Lean Me, extrait de l'album My Desire, paru en 1981. Alors, bien sûr, ça vaut pas Love is Gonna Be On Your Side, ça c'est clair, mais je suis sûr que vous allez quand même vous régaler. C'est le but, non ? Allez, c'est parti. because of you. You know I really love your planes, your happy mood. Baby, I do love you. I won't discuss your past, life goes on too fast, and we just have no time. Oh, but somebody in this world really can realize your love has pulled me high. On va bientôt se quitter, mais avant, on va se faire une pépite, bien sûr. Alors, il est temps de faire redescendre la température et j'ai envie d'écouter le City Light de William Pitt. Sorti en 1986, on peut dire que c'est le morceau le plus connu du chanteur avec Funny Girls. Après son passage dans le monde de la chanson, il a repris son activité de professeur de yoga qu'il exerce encore aujourd'hui. Détendez-vous, soufflez. Get away from this endless night. life, no reveries. Got no time for memories. Follow me, don't be afraid. Don't hide away. Window closed, the light is on. Nous sommes au terme de notre émission, alors je vais vous souhaiter une bonne semaine et je vous dis rendez-vous samedi prochain, même heure, même endroit. Bye bye!